un jour, j'aurai de l'argent. Un jour, je voyagerai avec tes jambes. Un jour, je me dirai que j'ai eu raison d'avoir l'air con toutes ces années, de ne pas aller en boîte, de ne pas sortir de chez moi, de combattre Satan, être la risée du monde entier. Un jour, je serai heureux.